Je vous écris ces choses afin que... Non. Jean, chapitre 5, le verset 13, allez voir ça. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Okay? Donc, les Écritures ne sont pas là pour le fun, ne sont pas là pour, par hasard. Les Écritures sont là parce que Dieu a un message qui nous communique. Et ce message-là, c'est un message de vérité. Et quand on y adhère, qu'on y croit, bien, on est rassuré, on est en paix, on est libre. Et on vit dans ce monde, je dirais, plus, de façon plus tranquille, plus posée. Bien, imaginez-vous donc que dans 1 Timothée, on a la raison pourquoi c'est écrit. Quels sont ceux qui ont lu 1 Timothée, là, cette semaine? N'appréciez-vous pas, c'est pas grave, mais moi je l'ai lu. Bien, j'ai pas le choix, hein? Vous allez me dire, oh, OK, on a compris. Je vais vous montrer ça. Et voilà le texte qui dit pourquoi Dieu donne à Timothée d'écrire la lettre. Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Fait que ce qu'on regarde ensemble, c'est que c'est Dieu qui est l'auteur de toute la Bible, qui est l'auteur de cette lettre-là, et qui la communique à l'apôtre Paul, dans le but que Timothée fasse quelque chose. Okay? Donc, Timothée va être comme le porte-parole, si on veut, de ce que Dieu veut enseigner à l'Église du Dieu vivant. C'est ça qui va se passer. Donc, quand on regarde l'épître de Timothée, je ne la regarde pas comme quelqu'un qui vient, comme un texte qui vient précisément de l'apôtre Paul. Je le regarde comme un texte qui vient de Dieu pour son Église. C'est comme ça que je vais le regarder. Et donc, ma compréhension va s'ajuster à la volonté de Dieu. Bien que le texte soit écrit, des fois de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus ciblée, je vais dire, il faut que je le regarde comme étant ce que Dieu veut dire à son Église, qui est l'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, ni plus ni moins notre vécu en tant qu'Église, notre comportement en tant qu'Église, et ça rejoint l'enseignement que Jean-Claude vient donner tantôt par rapport au témoignage, notre témoignage, dont on est dans l'étude de l'école du dimanche, la leçon 12. Donc, ça va avec ce texte-là, ça va avec aussi ce qu'on est en train d'enseigner, ce qu'on est en train de regarder. Alors, le texte que je vais regarder, le texte, mettons le titre que je vais donner, ce matin, c'est « Ayez toujours une bonne conscience devant Dieu ». Et on va regarder ce que ça veut dire, ce que ça veut dire dans notre texte. Donc, je vais lire le texte d'abord avec vous, et je vais le diviser en deux sections. Parce que dans le texte qu'on regarde ce matin, il y a deux sujets principaux. Et c'est ces sujets-là qu'on va regarder par rapport à avoir une bonne conscience devant Dieu. Alors, je vais lire dans la version second, évidemment. Et on commence au chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel, Paul, moi, j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. On va clarifier ça tantôt. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit par la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, on va clarifier aussi le verset 15 qui semble ambigu ou contraire à certains autres textes qui sont écrits dans le Nouveau Testament. Donc, on va avoir du plaisir. Alors, on parle d'avoir une bonne conscience devant Dieu dans la prière. C'est ce qui est les premiers versets de chapitre 2, de 1 à 8. Donc, la bonne conscience devant Dieu, on doit savoir dès le départ, que selon le verset 3, que la prière, c'est, je ne l'adresse pas à ceux qui sont autour de moi dans la pièce. Donc, je ne prie pas pour que les autres entendent ce que je vais dire. Je vais prier Dieu. Ça a l'air d'être élémentaire un peu, mais des fois, on prie pour lui, pour que lui entende ce que j'ai à dire. Alors que la prière que j'adresse, je l'adresse à Dieu à l'égard des gens. Et ce que Dieu nous dit, c'est que ça lui est agréable. Hein? Ça lui dit que c'est bon et agréable devant Dieu que je prie pour tous les hommes. Okay? Dieu apprécie cette prière-là. Donc, et en le faisant de la bonne façon, ce que ça fait, c'est que ça, je n'ai pas de culpabilité dans mon cœur. Je ne sens pas ça. Pourquoi? Je ne vise pas quelqu'un en particulier. Je prie Dieu pour les gens, pour des situations, pour des contextes. Ce que la prière dans laquelle il nous instruit, c'est que la prière, elle vise tous les humains, sans distinction. Donc, je ne vais pas, mettons, éviter de prier, comme je disais, cette semaine. Ben, on a eu l'avantage cette semaine, je vais vous en parler parce que ça va revenir, là. Cette semaine, dans l'église de Sainte-Julie, on a eu l'avantage de regarder ce texte-là. Fait que vous allez avoir le privilège de bénéficier de notre réflexion et des conclusions peut-être à lesquelles on est arrivé. Mais elle vise tous les humains, c'est-à-dire que dans mes prières, le jour, quand le Saint-Esprit me sollicite mon attention, je ne vais pas mettre de côté des gens. Je ne vais pas mettre de côté M. Trudeau, par exemple. Je ne vais pas le mettre de côté. Parce qu'est-ce qu'il fait partie de l'humanité? Oui. Est-ce qu'il fait partie des gens qui sont proches de nous? Est-ce qu'il fait partie des gens qui ont une influence dans notre pays? Alors, je ne vais pas le mettre de côté pour toutes sortes de raisons. Dieu, lui, c'est bon et agréable que je prie pour tous les hommes. Pourquoi? Je suis directement dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que lui, Dieu, veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça me dit, en quelque part, comment prier pour tous les hommes. OK. Et la prière va s'exprimer de diverses façons. Et dans les façons qui sont mentionnées, on regarde, c'est des supplications, des requêtes, des actions de grâce. On pourrait dire dans la requête des demandes. Donc, j'adresse à Dieu, conduit par l'Esprit, j'adresse à Dieu des prières, de la reconnaissance et des louanges. à Dieu. OK? Fait que lorsqu'il se passe quelque chose d'intéressant dans notre société, OK? Une loi, par exemple, un événement, ma prière qui s'adresse à Dieu, c'est pour vraiment rendre grâce à Dieu de l'événement qui s'est passé. Quand la justice s'applique, vous rendez grâce à Dieu pour la justice qui s'est appliquée. Quand vous voyez que quelqu'un est plutôt tourmenté ou exploité, quand vous priez, c'est que vous adressez une requête à Dieu envers cette personne-là pour son besoin. Vous comprenez? Mais vous le faites avec un cœur vraiment sincère. Et le verset 8 clarifie la façon de prier. Il dit, vous priez en élevant des mains pures, donc on a fait ça dans un chant tantôt, il dit « sans colère ni mauvaise pensée ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas en train de prier Dieu pour quelqu'un en particulier qui le fasse mourir. C'est une mauvaise intention. Si je prie Dieu en fonction de quelqu'un pour qu'il puisse entendre l'Évangile, qu'il puisse être sensible à la vérité et qu'il puisse avoir de l'intérêt dans son cœur pour Jésus-Christ, c'est mieux, il me semble. Voyez que l'objectif ou le sujet de la prière est supporté en arrière par un état d'âme dans le cœur. Et quand il le dit que je le fais sans colère ni mauvaise pensée, c'est que toute mon attention est dans ce que Dieu souhaite pour l'humanité. Ce que Dieu souhaite pour l'humanité, pour tous les humains, le mot « homme » ici a le sens d'humain, tout ce que Dieu souhaite, c'est qu'il soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, ça se peut que vous rencontriez des obstacles dans votre témoignage par rapport à des gens. Mais ce que Dieu veut, lui, c'est de vous ouvrir une porte pour être capable de lui parler en toute vérité de ce que Dieu dit dans sa parole. Pas pour l'accuser, pour qu'il soit libre. Vous voyez? Donc, le sentiment de votre cœur qui vous amène à prier Dieu, auquel c'est bon, agréable que vous le priez, c'est vraiment centré sur « j'aime les gens, indépendamment de ce qu'ils font, j'aime les gens comme Dieu aime le monde, et mon attention, ou le sujet de ma prière, c'est que je souhaite vraiment qu'il entende l'Évangile, la bonne nouvelle, et qu'il croit en Jésus-Christ. » Qu'il soit sauvé de la colère de Dieu tantôt. Et la prière vise aussi les autorités. Donc, on l'a vu ce matin. OK? J'aimerais que vous tourniez dans Romains 13, versets 1 à 5. Donc, on sait que c'est le même écrivain. OK? Ça n'a pas été écrit dans la même période, mais on sait que c'est le même écrivain, mais vous allez voir qu'il y a des points particuliers qui sont soulevés. Donc, quand il va prier pour les autorités, et c'est ça qu'il vient de dire dans notre texte, il va dire de prier pour tous les hommes, mais surtout, n'oubliez pas les rois ou n'oubliez pas ceux qui sont élevés en dignité. Donc, ceux qui ont un rang décisionnel, je dirais, qui ont le pouvoir de décider quelque chose. OK, on va aller voir Romains 13, versets 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Intéressant. Donc, les gouvernements, les présidents, les autorités sont voulus par Dieu. Fait que même si c'est dans un pays auquel on a des gros points d'interrogation, l'autorité qui est là, elle est voulue par Dieu. Et il a ses raisons. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez que Dieu a un plan pour l'humanité. Il ne veut pas qu'on fonctionne dans le désordre partout. Il va placer dans chaque pays des autorités, dans nos provinces, des autorités qui veillent sur nous pour accomplir l'œuvre de Dieu. OK? Est-ce qu'ils le font toujours? Pas plus que moi. Mais Dieu est en contrôle. C'est ça que je dois saisir. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est à nous qui parle, là. Il ne parle pas aux voisins, il ne parle pas au monde autour de nous. Dieu s'adresse à son Église. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Évidemment que si, un peu l'exemple que Jean-Claude nous soumet ce matin, il se promène dans une ville, il oublie de regarder la pancarte de la vitesse, il y a un policier qui l'arrête, il lui colle une contravention. Et il est tout à fait heureux de la recevoir et de la payer. Parce que Dieu a mis l'autorité en place pour son bien à lui. Voyez? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Veux-tu pas avoir peur quand tu conduis? Veux-tu pas avoir peur quand tu fais quelque chose? Il dit, fais le bien et tu auras son approbation. C'est simple, hein? Oui, on a des petites questions. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour te causer des troubles. Il est serviteur de Dieu pour ton bien. OK. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Et lorsque ça se produit, que l'autorité fait la volonté de Dieu pour punir celui qui fait le mal, on doit se réjouir. On doit se réjouir et rendre grâce à Dieu de ce qu'il y a quelqu'un qui craint Dieu, sans trop même le savoir peut-être, mais il craint assez Dieu pour appliquer la justice dans une situation précise. Et là, je dois rendre grâce à Dieu. Ça fait partie de la prière adressée à Dieu qui lui est bon et agréable. Donc, je reviens sur le pourquoi Dieu dit à Timothée d'écrire ou de prendre en considération la lettre que Paul va lui envoyer. Il dit, « Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et là, on va passer à la deuxième section. Donc, le deuxième sujet qui est traité dans ce chapitre, c'est d'avoir une bonne conscience dans la conduite des femmes. Donc, est-ce que Dieu... quand Dieu a créé l'humanité, est-ce qu'il a créé juste des hommes? Non, il a créé des hommes et des femmes, mais il a donné à chacun des rôles et des responsabilités. Dieu a fait ça dès l'origine. OK? On va le voir un peu tantôt. Mais on va lire le texte. On va juste le relire pour se placer dans la... avoir dans notre pensée que c'est Dieu qui s'adresse, on va dire, à vous, mes sœurs, et aux femmes qui appartiennent au Seigneur, qui disent servir le Dieu vivant. Donc, on va se mettre dans la pensée que c'est Dieu qui s'adresse à moi dans le but que moi, j'ai toujours une bonne conscience devant lui et que ma conduite reflète mon amour pour Jésus. C'est ça qu'on va... Donc, on va relire le texte. Je reviens, attendez-moi, je vais trouver ça. 1 Timothée 2, et je vais lire à partir du verset 9, mais je vais m'arrêter au verset 15, la première partie. OK? Donc, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, quand on parlait de création tantôt, c'est de ça dont on parle. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et j'arrête là. OK. Donc, là, on a besoin de connaître le contexte. Et je bénis Dieu d'avoir dans notre église de localité un gars comme Pierre, qui est vraiment curieux, Pierre Bolduc, j'entends, qui est vraiment curieux de l'histoire, fondamentalement. Et sa curiosité de l'histoire l'a amené à aller en Asie mineure, d'aller en Grèce. C'est un couple qui aime voyager, mais il y a des voyages qui sont ciblés. Et là, on a besoin de comprendre le contexte de la ville d'Éphèse, parce que Timothée est à Éphèse, et il va devoir faire quelque chose, c'est-à-dire enseigner l'Église, mais il a une responsabilité tantôt de voir aux dirigeants de l'Église. Pourquoi? Parce que dans le premier chapitre, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient en train d'introduire d'autres doctrines, puis qui ne faisait que des discussions, puis ça ne faisait pas avancer la foi ni la charité de personne. OK? Mais le contexte de la ville d'Éphèse, c'est qu'Éphèse, c'est un port de mer ou une ville très, très importante dans l'Empire romain. Mais fondamentalement, la ville d'Éphèse, c'est une ville, on pourrait dire, de villégiature où l'empereur romain et toute sa suite vont passer leurs vacances. Fait qu'on peut s'imaginer que lorsque l'empereur arrive dans le pays, ça doit être assez imposant. Mais il arrive avec pas juste sa délégation, il arrive avec ce qu'il croit, ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il est habitué de vivre. Donc, lorsqu'il s'établit dans la ville d'Éphèse, il va vivre un peu comme il vit à Rome. Il ne sera pas différent. Okay? Mais ce qui se passe en réalité, c'est que ce sont des gens extrêmement riches. Et non seulement extrêmement riches, ils aiment à ce que ça paraisse. Donc, vous connaissez, par exemple, le Gala des Oliviers, qu'on connaît au Québec. Vous connaissez les Oscars, je pense qu'on est en train de passer à travers ça, là. Et vous connaissez en même temps le Festival de Cannes. Regardez les toilettes. Regardez toute l'apparat qui est autour. Ça va vous donner une idée, dans notre contexte à nous, de comment c'était dans le temps des Romains. Mais ils arrivent de façon à être vus, à être observés et à dire, voici, nous, on a réussi, en quelque part. Vous voyez? Mais les femmes, en même temps, qui vivent avec eux, les femmes vivent de la même manière. Donc, les gens mettent beaucoup d'emphase sur leur apparence, sur leur apparence extérieure. Mais en même temps, étant riche et étant dans le monde, étant sous l'autorité du malin, c'est que ce qui va régner, c'est le libertinage, la débauche, l'idolâtrie. Et ça, c'est la vie courante dans la ville d'Éphèse, sous l'Empire romain, par les gens riches de la place. Lorsqu'une de ces femmes-là vient au Seigneur, lorsqu'elle entend la bonne nouvelle de l'Évangile, lorsqu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ, ce qui se passe dans sa vie, c'est qu'elle devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de ça dont parle le texte. Il est en train de dire, Dieu est en train de dire à son Église, particulièrement aux femmes de son Église, voici ce que je m'attends de vous. Et je comprends le contexte dans lequel vous êtes. Voici, puisque vous dites que vous faites profession de servir Dieu, qui est au verset 10, puisque vous dites ça, bien, mettez pas l'emphase sur l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir des parures, des traits sophistiqués, d'installer de l'or un peu partout, d'avoir des perles, des habits somptueux. Mais, il dit, soyez parés de bonnes œuvres. Ni plus ni moins, c'est pas ce qui est l'apparence extérieure qui compte. Je bénis Dieu parce que mes sœurs que je vois ici, ce n'est pas le texte-là que je vois. Vous vivez avec modestie, avec pudeur, et votre emphase n'est pas mise sur toute l'apparence extérieure. Hein? Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est ce que Dieu dit. Et en même temps, comment Dieu transforme vos vies de ce que vous étiez avant et devenu maintenant pour la gloire de Christ. Et lorsqu'on va parler d'avoir une conduite qui est parée de bonnes œuvres, j'aimerais ça qu'on aille voir les deux textes qui sont mentionnés là. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. On avait vu ça un peu. Mance a posé un peu la question ce matin. OK? Les bonnes œuvres, à quoi est-ce que ça peut faire référence? Fait qu'on va aller voir 1 Pierre 3, 1 à 6. Je pense que je suis à la bonne place. Oui, c'est ça. OK? Donc, il dit dans 1 Pierre 3, versets 1 jusqu'à 6, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns, donc quelques-uns de vos maris, n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés, comment? Sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant quoi? Votre manière de vivre chaste et réservée. » Donc, vous voyez que la façon dont je vais choisir de vivre a un impact dans la vie de l'autre. C'est ça que ça dit. Ayez non cette parure extérieure, donc là, ça rejoint le texte qu'on est en train de lire, qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, c'est-à-dire la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler d'aucune manière, OK, par aucune crainte. Donc, il dit que l'apparence extérieure, vous ne devez pas être négligé, là, arriver ici avec des haillons, les cheveux tout croches, puis vous avez le droit de vous maquiller en passant, là. C'est pas ça que Dieu n'est pas en train de tout enlever ce que vous faites. Là. Il dit juste, allez-vous-en pas dans l'extravagance. C'est ça qu'il dit. Et mettez pas l'emphase là-dessus. Mettez l'emphase sur ce qui est dans votre cœur. Et de quoi parle-t-il? Il parle d'un esprit doux et paisible. Ah, intéressant. Si dans mon cœur, c'est le fruit de l'esprit qui est là, la douceur et la paix, qui est le fruit de l'esprit, ça va se refléter dans ce que je vais dire et ça va se refléter dans toutes mes actions. Et ça, c'est ce que Dieu appelle une bonne œuvre. Voyez? J'ai mis Genèse 18, 1 à 6 parce que ça donne l'exemple de Sarah. Okay? Donc, je pourrais aller le lire. On a le temps, hein? Oui, bon, on va aller voir ça. On va aller voir Genèse 18, 1 à 6. Et là, c'est le contexte où Dieu envoie vers Abraham deux personnes. Et Abraham est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, Genèse 18, 1 que je viens de lire. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton Seigneur, de ton serviteur plutôt. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. Regardez bien ce qu'Abraham va faire. » Lui, il a dit qu'il irait chercher un peu de pain puis de l'eau, okay? Juste pour retenir les gens. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau et lui a demandé de préparer un veau, un repas. En fait, c'est tout un lunch. Puis ils vont rester là longtemps. Mais là où je vais attirer votre attention, est-ce que Sarah réagit durement? Est-ce que Sarah est en train... Est-ce qu'elle dit à Abraham, « Tu n'as pas vu ce que je suis en train de faire? » « Non, mais tu me déranges. »« Non, mais Abraham, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai pas le droit d'avoir une vie, moi, là. » Ça n'arrive pas chez vous, hein? Donc, je sais que ça n'arrive pas chez vous. L'esprit doux et paisible. Et il est en train de dire que Sarah, elle a cru, hein, vous savez. Sarah, elle a cru en Dieu. Et dans le texte de 1 Pierre, il dit que les femmes, vous êtes devenues ses filles par la foi en Jésus-Christ. Et son attitude dans une circonstance comme ça, qui est probablement dérangeant, là, je vous le dis d'avance, là, est en train de faire d'autres choses. Okay? C'est la réplique. Est-ce qu'il y a une réplique ou s'il n'y en a pas? Et avec quel esprit? Qu'est-ce qui est dans son cœur? Qu'est-ce qui l'anime pour faire ce que Abraham, qui on va dire est son chef, parce qu'Éphésiens va le dire, Éphésiens chapitre 5. Donc, est-ce que ce qui la motive, c'est de faire plaisir à Abraham? Et même si ça prend du temps, et même si ça dérange. Donc, vous voyez que l'attitude du cœur, c'est un peu la même attitude que Dieu demandait à l'homme tantôt, ou à tous les hommes, quand on prie pour quelqu'un. C'est que ce n'est pas la colère qui m'anime, ce n'est pas la crainte qui m'anime. C'est qu'est-ce que Dieu veut que moi je fasse pour l'honorer, lui, Dieu, mon maître. Versets 11 à 14. C'est peut-être lui qui nous dérange un peu. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. En fait, il va dire, dans une autre traduction, je ne permets pas à une femme d'enseigner. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Pour certaines places, ça va être écrit dans certaines Bibles, de prendre l'autorité sur son mari. Mais elle doit demeurer dans le silence. Okay? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc là, on l'a lu tantôt. Quand Dieu donne ce texte-là, quand il le donne à Paul d'écrire, de l'envoyer à Timothée pour son Église, quand il le donne, c'est qu'il revient à la création. Il revient au plan initial de Dieu dans Genèse. Et le texte est dans Genèse 3, 16. On va regarder ça avec vous. Ça ne sera pas long. On va regarder Genèse 3, 15 et de Genèse 3, 16. Alors, ça donne bien, on a passé dans ce livre-là il n'y a pas tellement longtemps. Donc, l'homme va pécher, la femme va désobéir, elle a été séduite, et là, Dieu va venir leur parler. Mais il ne va pas parler qu'à Adam, Ève, il va aussi parler au serpent, c'est-à-dire au menteur, au trompe, celui qui trompe, celui qui séduit, celui qui va absolument nous faire pécher. Donc, au verset 16, il dit... À la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Qu'est-ce que Dieu vient de dire? Qu'est-ce que Dieu comprend par ton mari va dominer sur toi? Malheureusement, notre société nous donne un très mauvais exemple de ce qui est dominé sur la femme. Parfois, c'est de la violence, parfois, c'est du mépris, parfois, c'est du rejet, parfois, on la met dehors, parfois, on ne s'en occupe pas, parfois, on la décrit. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut dire, c'est que l'autorité que j'avais donnée à Adam avant que tu pêches, l'autorité que je t'ai donnée de dominer, d'être celui qui va cultiver, qui va avoir tout en main, je donne en main tout ce que j'ai construit. L'autorité que Dieu a donnée à Adam, l'homme, le mâle, le mari, l'époux, c'est qu'après la chute, il ne lui a pas enlevé non plus. C'est que la même autorité lui est laissée. Vous comprenez? Et quand il dit que la femme, elle va vouloir dominer son mari ou elle va vouloir prendre autorité, Dieu dit non. Ce n'est pas ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est de te soumettre à ton mari. Et je dirais, dans ta soumission à ton mari, ça va faire que lui devrait t'aimer énormément. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est dans ton cœur, ce qui anime tes mouvements, tes décisions, c'est la paix, la douceur, la sainteté. C'est ça qui t'anime. Et ça va rejoindre ton mari, indépendamment de comment lui est, au moment où tu vas agir, au moment où tu vas te soumettre. Quand Dieu ramène à Genèse, je vais vous montrer dans Marc 10 que c'est exactement ça qui va se produire. Quand Jésus est sur la terre, les pharisiens, qui sont des chefs religieux, juifs, qui connaissent la loi, qui connaissent le sacerdoce, qui connaissent tout ça, là, eux arrivent à Jésus avec une intention. Il y a une motivation dans leur cœur. Donc, je vais voir Marc, chapitre 10, versets 2 à 9. Les pharisiens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il était permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sait pas ce que Dieu a joint. » OK. On est loin dans l'histoire, là, par rapport à Genèse. Mais le Dieu, lui, n'a pas changé. Fait que l'exemple qu'il va donner aux femmes dans son Église, c'est le même exemple que Jésus va prendre quand il est questionné par rapport à répudier sa femme. Tu peux, quand tu es tanné, mais là dehors. OK. Jésus les ramène où? À la création. Il les ramène à son plan parfait au moment où il crée l'humanité. C'est ça qui se passe. Et c'est la même chose qu'il va faire, que Dieu fait, en donnant le texte pour Timothée. Je vais vous ramener dans mon plan initial pour vous. Et si nous, on saisit vraiment que c'est ça que Dieu est en train de faire, quand je vais voir ce texte-là, je ne vais pas commencer à bouillir et me dire que Dieu est injuste en me faisant passer deuxième. Ce n'est pas ça qui va venir dans ma pensée. Ce qui vient dans ma pensée, c'est que Dieu a raison. Et ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il est en train de m'enseigner, c'est pour mon bien. C'est le meilleur qui peut m'arriver. Et si je fais ça, si je me soumets à sa volonté, je vais être heureux, vous allez être heureuse, et vous allez être épanouie, libre, de pouvoir vivre dans ce monde et parler librement en même temps de votre Sauveur. On va aller voir le verset 15, si vous voulez. Et là, je vais vous le lire dans une autre version. Là, okay? En fait, quand on lit ce verset-là, là, on pourrait comprendre, je vais le relire juste pour le mettre dans votre mémoire. La femme, où elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et dans la sainteté. Donc, pour tout de suite, vous pourriez me faire une objection. La femme n'est pas sauvée par ses œuvres. Parce que vivre dans la modestie, la charité et la sainteté, c'est comme pratiquer des œuvres. OK? Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par grâce qu'on est sauvé, on l'a vu ce matin. Hein? C'est par la foi. Donc, et ça m'a agacé, et ça en agace plusieurs, de sorte que là, il y a différentes versions, traductions des Écritures. Et le texte, je pense, qu'il aurait dû être séparé différemment à cause du grec original. Et là, je suis allé voir aussi. Bien que je ne suis pas un professeur de grec, mais je suis allé voir les thèmes pareils. OK? Alors, on va le lire comme ça. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu. Mais elle, donc de qui il vient de parler? Il vient de parler de Ève, la femme d'Adam, sera sauvée grâce à sa descendance. Vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que dans la descendance de Ève va naître le Sauveur. Donc, elle, si elle, disons, dès le départ, là, Si Adam et Ève ne comprennent pas bien ou n'obéissent pas à la volonté de Dieu, ils pourraient dire, nous, on ne va pas procréer. Bien, nous, on n'est pas là. Mais le Sauveur n'est pas là non plus pour eux. Donc, le salut n'est pas accessible pour eux non plus. En se soumettant à la volonté de Dieu par après, c'est-à-dire en ayant des enfants, okay, une descendance, là, tout le monde peut être sauvé. Et Ève, dans sa foi, qu'elle va mettre en Dieu alors que Jésus n'est pas encore présent, Ève, en croyant là, dans le salut futur qui va venir en Jésus-Christ, elle est sauvée. Mais regardez, si on découpe là, qu'est-ce que ça fait à la place. C'est quant aux femmes, donc de qui viennent de parler là? Des femmes qui parlent dans le texte avant. Donc, toutes les femmes qui étaient dans un monde païen, qui vivaient comme le monde païen, mais qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, mais quant aux femmes, à celles-là qui ont cru, là, à vous, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans la vie sainte, en gardant en tout le sens de la mesure. Et ça, c'est valable pour tous les enfants de Dieu, pas juste pour les femmes. De vivre dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte, mon salut, il se met en place, je dirais, dans mon action. Donc, quand je persévère dans la foi, l'amour et la vie, une vie sainte, c'est que je suis en train de démontrer aux autres que le salut que Jésus a offert, okay, il a payé la rançon de tous nos péchés. Il a volontairement donné sa vie pour nous, pour que l'on soit pardonné, que l'on fasse partie de la famille de Dieu et qu'on soit des témoins dans le monde. Notre salut dépend de la mort de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, c'est un salut par grâce pour tous ceux qui croient, et c'est une conduite dans la foi, l'amour et la sainteté. Si, moi, je dis que je fais profession de servir Dieu, c'est comme ça que je dois vivre, comme ce qui est mentionné là. Donc, ayons-nous toujours une bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire, observons bien dans nos prières comment est constituée nos demandes, nos requêtes, nos actions de grâce que l'on adresse à Dieu. Regardons bien ce qui nous motive à l'intérieur. Pas de querelle, pas d'animosité, je ne veux pas le malheur des autres. C'est pas ça qui me motive. Je cherche l'intervention de Dieu, je sollicite l'intervention de Dieu dans leur cœur pour qu'ils soient sauvés. Et je le sollicite peut-être en même temps, « Seigneur, quelle est ma part, moi, par rapport à mon voisin? Quelle est ma part par rapport au milieu où je travaille? Quelle est ma part par rapport à mes sœurs, à mes frères? Quelle est ma part? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? » Mais c'est en même temps d'une bonne conscience dans notre conduite. Donc, la pratique de ma foi, de ma charité, va se refléter dans ma conduite. Elle va se refléter dans mes actes. Et là, c'est là où on parle que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin qu'on les pratique. Donc, comment je vais servir mes voisins? Comment je vais parler avec mon fils? Comment, vous voyez, c'est très concret. Je pense que c'est ce que Dieu avait pour nous ce matin. Alors, qu'il vous bénisse. Et puis, si vous avez des inputs de la part de Dieu, j'apprécierais les entendre. Alors, je vous laisse avec Christian qui dirige, oui. Tu auras besoin juste de changer ça tantôt, mais quelqu'un s'en occupe. Merci.